L'an 1274, l'église de Saint-Gervais et Saint-Protée fut volée de nuit et, entre autres choses, un larron emporta le sacré vase dans lequel reposoit la Sainte Hostie. Et s'enfuyant vers Saint-Denis, quand il fut au champ du Landy, il commença à rompre ce sacré vase et, incontinent, la Sainte Hostie s'envola, voltigeant en l'air après le larron. Ce qu'étant aperçu par quelques passants, jugèrent que c'est soit quelque action divine et appréhendèrent le larron qui avoua ce vase. De quoi advertit l'abbé de Saint-Denis, il y vint avec quelque nombre de ses religieux, où il vit la Sainte Hostie incessamment voltigeant en l'air, au même lieu où le larron avoua esté arresté, lequel il fit emprisonner, et peu après pendre et étrangler au gibet de Saint-Denis. La rue Gaëtan Lamy devient Cristino Garcia sur le territoire de Saint-Denis. Elle s'appelait autrefois rue de la Justice, expliquant aujourd'hui le nom conservé du passage de la Justice. Bifurcation de la rue du Landy à hauteur de l'avenue du président Wilson, l'ancienne Estrée, cette rue est représentée sur le plan de l'Incelin de 1707. Il s'agit d'une rue parallèle à la rue du Landy et qui traverse le centre d'Aubervilliers. Sur le plan de John Rock de 1754, le Landy de Saint-Ouen à Aubervilliers est appelé Poteau Justice. Le Poteau Justice au Moyen-Âge était la délimitation du droit seigneurial, mais on a vu que l'abbé attendait l'évêque de Paris et le corps du roi au sud du Landy. Le Poteau Justice de Saint-Ouen à Aubervilliers de John Rock n'était donc pas cette limite. Dans le plan de l'Incelin, on trouve les dénominations Pilier, Montjoie et Justice, les uns à côté des autres. Le poteau Justice ou Pilier Justice pouvait être la fourche patibulaire où les condamnés à mort étaient tués. Anne Lombard-Jourdan pousse sa théorie jusqu'à affirmer que la décapitation de Saint-Denis a eu lieu à la Montjoie. Le saint n'aurait donc pas perdu sa tête à Montmartre pour ensuite la ramener à Saint-Denis, mais décollé dans un lieu symbole de la justice païenne, enterré non loin et seulement dans un deuxième moment transporté, là où une cathédrale fut construite. La légende du miracle du Landy, une histoire du XVIe siècle, nous parle d'une exécution. Un larron aurait volé le vase avec l'hostie sacrée de l'église de Saint-Gervaise. Il prit la fuite et il cacha le butin au pied de la croix ad fines dans le Landy. L'hostie sacrée sortit de terre et voltigea en l'air, le larron fut arrêté et exécuté. La croix ad fines, face à ce miracle, fit la révérence et à partir de ce moment fut appelée croix penchée. Cette rue, qui jusqu'au XIXe siècle s'appelait rue de la Justice, nom que par extension John Rock donne à tout le Landy, était donc le chemin qui menait au lieu où la justice était accomplie. Un lieu et un usage hérités par le passé. La tradition des tumuli prévoit à côté de la tombe sacrée une pierre ou perron où l'on rendait la justice. Un lieu et un usage hérités du passé. Dans le Fier à bras, chanson de geste du XIIe siècle, on lit que Charlemagne, de retour d'Espagne, a partagé les reliques conquises sur les Sarrasins devant une foule immense au perron du Landy. L'usage du perron, pré-celtique, consistait à utiliser une pierre comme autel sur lequel montrer la justice incarnée, peut-être au début la justice divine et ensuite la justice de l'homme. Selon Anne Lombard-Jourdan, le tumulus de la Montjoie était d'origine néolithique. Les Gaulois auraient trouvé ce monument religieux et l'auraient vénéré, s'appropriant un usage ancestral. Des fouilles effectuées en 2003 confirment cette hypothèse. Une maison datée de 6500 ans a été trouvée le long du Landy vers Saint-Ouen. Des meules de la même époque ont été trouvées entre le Landy et l'ancienne rue de la Justice. Il est donc possible que des rangées mégalithiques et pu exister à cet endroit. Toujours sur le plan de l'Incelin, adjacent au lieu dit le Pilier, on trouve la Haie Coque, Une haie, forme ancienne de haie, est une rangée d'arbres pour délimiter une propriété. Mais César utilise ce mot pour l'élément défensif utilisé par les Gaulois nerviens. Le mot « coq » pourrait être rattaché à la racine pré-celtique « cook », pic, hauteur, que selon le linguiste Michel Morvan, on retrouve dans la variante « cuc », un lieu souvent identifié comme fortifié. Le Landy, de Saint-Ouen à Aubervilliers, de Saint-Denis à la Chapelle, aurait donc une origine néolithique.